Sortez, votre émission culturelle et artistique sur la rage. Bonjour et bienvenue sur la rage 99.1 pour votre émission Sortez, l'émission qui décrypte l'actualité culturelle et artistique du Val de l'Indre. Aujourd'hui, nous allons parler bibliothèque, médiathèque et lecture publique avec notre invitée Anne Coget. Bonjour Anne. Bonjour Fabrice. Merci d'être venue nous voir dans le studio de Montbazon pour cette émission. Tu es responsable, en fait tu es chef de service bibliothèque bibliothécaire intercommunal, je vais y arriver, et responsable en fait du réseau des médiathèques et des bibliothèques du Val de l'Indre. Tout à fait, c'est cela. Donc ce réseau se compose de bibliothèques que sont Artane, Ève, Montbazon, Mont, Saint-Brand, Sorigny, Truyes, Vénier. Donc ces bibliothèques sont gérées principalement par des professionnels mais aussi par des bénévoles. En 2015, on a comptabilisé 116 bénévoles qui viennent apporter leur contribution pour l'ouverture publique mais prêter main forte aussi auprès des bibliothécaires professionnels pour mettre en place des animations, accueillir des classes, équiper les livres, hein, voilà. Ces bénévoles remplissent foule d'activités, nombre de missions et heureusement qu'on les a. D'accord. Et toi, ta mission dans tout ça, c'est quoi ? Alors, ton rôle ? Vaste sujet. Moi, si je devais résumer en quelques mots mes fonctions, c'est je suis chargée de suivre les projets, de les mener à bien. Notamment, par exemple, j'ai préparé et suivi les projets d'ouverture, enfin les ouvertures des bibliothèques d'Artane et de Vénier. Vénier pour commencer en septembre 2013 et Artane en septembre 2014. Qui sont devenues des médiathèques ? On peut parler plutôt de bibliothèques. Enfin, quand on parle de médiathèques, c'est que ça recouvre plusieurs supports, les imprimés, les DVD, les CD audio. D'accord. Comme ce Mont, qui est le cas, Sorigny. Surtout sur Mont et Sorigny, qui d'accord. possèdent en fonds propres des DVD et des cassettes vidéo, enfin d'accord. surtout des DVD, voilà. Pour les autres, ne sont pas, elles possèdent des imprimés, des revues et des livres, mais maintenant on a le support numérique, donc dématérialisé via le portail Nomad, qui est proposé par le conseil départemental, via la bibliothèque départementale. D'accord. Donc c'est une autre ressource dématérialisée qui vient en complément de l'offre d'imprimés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut accéder à ouais. des documents numériques ? Tout à fait. À partir des bibliothèques ? Voilà, à partir du moment où vous êtes inscrit, on est inscrit, un adhérent qui est inscrit a la possibilité d'avoir accès à cette offre numérique qu'est le portail Nomad. Et donc, il y a un bouquet de ressources numériques, possibilité de s'auto-former, de repasser son permis de conduire via voilà, des sites spécialisés, possibilité de consulter des livres en ligne, des films également, voilà, beaucoup de choses via le portail Nomad. D'accord, donc ça augmente considérablement l'offre, en fait, les possibilités en termes de ressources. Ça vient en complément voilà, des ressources traditionnelles voilà, que sont les imprimés. D'accord, oui. Et justement, on parlait d'inscription. Comment on fait pour s'inscrire ? Comment ça se passe, en fait ? Alors, comment ça se passe ? Tout d'abord, il n'est pas nécessaire d'être inscrit pour consulter et avoir visiter les bibliothèques, hein. On peut rentrer dans une bibliothèque et puis s'installer sans pour autant être préalablement inscrit. Ça, c'est important parce que d'accord. beaucoup de personnes n'osent pas pénétrer dans les bibliothèques. Oui, parce que, c'est des établissements publics, en fait. Voilà, tout à fait, c'est ouvert à n'importe qui, à toute la population du territoire ou en dehors du territoire. Mm-hmm. Donc les modalités d'inscription sont les suivantes. Il faut donc demander au personnel de l'accueil des fiches d'inscription, autorisation parentale pour les enfants, fiches inscription adulte qu'il est possible de télécharger sur le portail du réseau, de les télécharger, les imprimer et puis donc ensuite de les remplir et de les adresser ensuite à la bibliothèque de résidence où la personne est domiciliée. Hein. Et donc après, une fois avoir rempli ces fiches d'inscription, il faut aussi apporter la carte d'identité n'est pas nécessaire, mais un justificatif de domicile qui peut être rapporté par la suite. Et on procède tout de suite à l'inscription de l'adhérent. Donc je rappelle que la gratuité s'adresse à tous les enfants jusqu'à 18 ans. Donc les enfants de 0 à 18 ans peuvent s'inscrire gratuitement d'accord. dans n'importe quelle bibliothèque du réseau. Et après, donc, c'est 8 euros pour les adultes à l'année. Voilà, à l'année, c'est ça. Et donc il y a des tarifs réduits qui sont proposés pour les étudiants, les personnes... je recherche... Oui, il n'y a pas trop à l'air. J'ai plus trop en tête les... tarifs, mais je suis... De toute façon, on peut les retrouver. Voilà, il y a possibilité de les retrouver via le portail du réseau. Il suffit de taper CCVI bibliothèque, réseau. Sur Google, on sur Google, voilà. Et on accède directement au portail du réseau où sont recensées l'ensemble des informations pratiques liées à l'inscription en bibliothèque ou encore les animations ou l'actualité du réseau figurant en page d'accueil et ou dans les différentes rubriques. Oui, parce qu'en fait, non seulement on a accès à un ensemble de ressources, donc livres, DVD, fichiers numériques dont on parlait, mais aussi il y a tout un jeu d'animation, enfin tout un système d'animation, une programmation culturelle au sein des bibliothèques et des médiathèques. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Quel type de manifestation, d'activité est-ce qu'on peut trouver dans ces médiathèques, dans ces bibliothèques ? Alors, le réseau organise deux types d'animations. Il y a les animations dites intercommunales, actions intercommunales. Oui. C'est le cas cette année, là, avec les bibliothèques qui se mettent au vert, qui ont décidé de mettre à l'honneur donc, la nature, le jardin, et se sont associés Artan, Mont et Vénier, et qui proposent un petit programme qui est consultable sur Internet, où un mailing a été adressé aussi aux adhérents du réseau. Donc, il se déroule de mars à juillet inclus, et donc vous pouvez assister ou participer à un concours d'éventail, par exemple, organisé par Artan et Mont, ou encore, y a eu une soirée découverte sur les jardins exceptionnels d'Europe qui a été proposée par la médiathèque d'Artan. D'accord. Le 18 mars dernier. Prochainement, en avril, vous aurez un atelier mandala, 6 et 13 avril, ça s'est passé, mais l'heure du conte et la promenade comptée, très prochainement, le samedi 23 avril, à la bibliothèque de Vénier. Pour ne citer que ces animations. D'accord. En donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges, voilà. Parce qu'on sait qu'il y a des lectures aussi de contes pour les tout petits. Également, l'heure du conte qui a eu lieu à la médiathèque de Mont le 20 avril et prochainement le samedi 23 avril à la médiathèque de Mont. En mai, il y aura des expositions de photos, Mont ou encore Artan Photo Club qui exposera le jardin aux quatre saisons, proposé donc par Artan Photo Club. Donc il y a vraiment un partenariat entre les différentes associations du territoire qui sont, je pense, à Artan. C'est vraiment un espace culturel, l'espace culturel de Glycine, qui regroupe à la fois la médiathèque, mais aussi d'autres occupants, oui, tels que l'association, le dessin, la musique. Voilà, y a différents... Oui, c'est un espace culturel, quoi. Voilà, il y a vraiment une transversalité entre ces différents occupants, ce qui fait que l'offre est très riche et diversifiée et s'adresse à un large public. D'accord. Dis-moi. Juste pour terminer, c'est parce que je parlais des animations dites intercommunales, donc ça je l'ai cité et je l'ai illustré à partir d'un exemple, et les animations proposées à l'initiative bibliothèque. Ce qui ne se rattache pas forcément à une thématique donnée. Donc, les bibliothèques peuvent initier des actions dites de proximité sans pour autant se regrouper ou s'associer autour d'une thématique. Et donc, ça, c'est vraiment propre à l'environnement de la bibliothèque et puis au public aussi desservi. D'accord. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, sont faits ou qui vont être faits ? Ce n'est pas une question piège. Les yeux. par exemple, la médiathèque d'Artan organise mensuellement la piscine des bébés en direction des 0-3 ans. Le mercredi 11 mai à 10h30, il y aura un atelier piscine des bébés qui permet justement aux parents, grands-parents ou assistantes maternelles ou les parents avec les bébés de 0 à 3 ans, la toute petite enfance, de venir profiter de cet atelier gratuit. Je précise que toutes les animations s'adressent à un large public et sont gratuites. Gratuite pour les habitants de la CCVI ou même à l'extérieur ? Tout largement, habitants ou hors habitants du territoire. Ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord. Donc on rappelle, la CCVI, pour ceux qui ne cherchent pas, c'est la communauté de communes du Val de l'Indre. Mais je pense que c'est bon, là maintenant, depuis 2001, ça devrait être acquis, je pense. Ça va. Oui, c'est toujours bon de le rappeler. Ouais. Ouais, ça fait pas de mal. D'accord. Donc en fait... Si je voulais évoquer les 10 ans de la bibliothèque de Saint-Maur. Quand même, c'est un important. Un temps fort, dont je suis responsable depuis peu, début mars. D'accord. Et donc, je viens soutenir l'équipe de bénévoles au nombre de 9 bénévoles actifs, parce qu'il y a un homme parmi ces bénévoles. Et donc, nous fêtons les 10 ans de la bibliothèque le 4 juin. Le temps fort, c'est le 4 juin. Et auparavant, nous aurons d'autres temps qui vont annoncer ce temps fort. Le mercredi 1er juin, avec une lecture animée proposée par une bénévole en direction des enfants de l'accueil de loisirs. Donc il y a un partenariat qui s'établit avec la LSH, sur mon initiative. D'accord. Avec la LSH, mais aussi avec l'association des wagons dont on parlait tout à l'heure. Oui. Je pense notamment Anne-Marie, Marianne, qui va organiser une rencontre dédicace aux wagons le vendredi 3 juin nous aurons l'occasion aussi de recevoir l'orchestre junior qui, à la suite de cette rencontre dédicace, proposera un petit temps musical. L'orchestre junior du 6e c'est ça, voilà.

entre petits font des batailles avec des clémentines. Le chef de table, c'est un grand blond qui l'embête. Celui qui dans les arbres lui avait perché sa casquette. Il s'acharne sur le petit qui lui a jamais rien fait. À la récré ses moqueries, même à la balle aux prisonniers. C'est la tête de dur, le genre qu'on court sans le parc. Avec un pull trop grand qui a tellement peur des clowns au cirque. À l'école, pour lui c'est l'humiliation. En sixième ce sera The Wall et commencera la sélection. Il serre encore les dents mais tiendra pas dans cette violence. Son petit cœur était pur mais maintenant il crie vengeance. De retour sur la rage pour notre seconde partie de l'émission Sortez consacrée aux médiathèques et à la lecture publique de la CCVI avec notre invitée Anne Cogé. Rebonjour Anne. Rebonjour Fabrice. Donc on parlait de la force du bénévolat notamment. On terminait la première partie avec ce point-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est vrai que d'abord les médiathèques et les bibliothèques qui sont présentes aujourd'hui, c'est avant tout grâce à l'origine à des associations. Tout à fait. Donc tout à l'heure j'évoquais le nombre de bénévoles. Donc au 31 décembre 2015, d'après mon rapport d'activité, donc j'ai comptabilisé 123 bénévoles actifs. D'accord. Qui sont répartis sur l'ensemble du réseau. Ce qui est énorme déjà. Ah oui, c'est énorme. Sans ces bénévoles-là, les bibliothèques ne pourraient pas tourner normalement, fonctionner être normalement. Ouvertes au public. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, pour la médiathèque de Sorigny, où des bénévoles assurent les permanences parce que l'agent en question est en congé. Voilà, donc il y a pour les congés ou en cas d'agent malade, il faut bien suppléer et faire en sorte que la médiathèque reste ouverte. Et du coup, que font ces bénévoles ? C'est-à-dire qu'ils gèrent alors les permanences, on a compris, c'est-à-dire voilà. L'ouverture, faire en sorte que le public, c'est-à-dire que ceux qui nous écoutent en fait, puissent accéder à ces bâtiments et à leur collection. Ouais. Alors c'est différent selon les bibliothèques et selon l'histoire des bibliothèques. Si je prends par exemple l'exemple de la bibliothèque de Vénier, il faut savoir qu'historiquement les bénévoles étaient gestionnaires de la bibliothèque. Maintenant D'accord. ils sont partenaires. Parce que la CCVI a pris la compétence. Voilà, et maintenant la responsable c'est Véronique Piouet. Mais le partenariat et la complémentarité des actions restent identiques. Ils sont très actifs. Hein. Ils interviennent. Par exemple, il y a des bénévoles qui déjà élaborent des racontes-tapis, des outils d'animation par eux-mêmes, qui les animent, qui les mettent en œuvre et qui interviennent dans les crèches, dans les écoles pour proposer des animations. Mmh. Il y en a deux qui interviennent régulièrement en complément de l'action menée par l'équipe professionnelle qui, elle, accueille des classes régulièrement, l'accueil de loisirs en lien avec Mélissa Provin aussi qui est sur deux sites. 15 heures de son temps sur la bibliothèque de Vénier, 8 heures à la bibliothèque de Montbazon, juste à côté. Voilà, donc les bénévoles pour Vénier organisent aussi des animations. Ça va être la balade comptée que j'ai évoquée tout à l'heure. Ce sont les racontes-tapis qui sont proposés aussi périodiquement. Mais ils participent aussi à l'équipement des livres, c'est-à-dire à la mise en rayon des collections et puis à l'organisation de toutes sortes d'animations en complément du programme d'animation proposé par l'équipe professionnelle. D'accord. Ça, c'est Vénier, mais c'est identique, par exemple, pour la médiathèque d'Èvre aussi, qui effectue énormément d'activités variées et diverses. L'heure du conte régulièrement, raconte-moi une histoire, qui a lieu une fois par mois. Donc, raconte-moi une histoire, ça correspond à quoi ? Eh bien, c'est une sélection d'ouvrages effectuée par la bénévole qui est chargée de cette animation. Une thématique qui est déclinée chaque fois, mensuellement, et qui s'adresse à un groupe d'enfants dont l'âge varie selon les interventions. Donc ça a lieu, l'intitulé c'est Raconte-moi une histoire, ça a lieu une fois par mois. C'est le jeudi et le samedi de mémoire. Et voilà, donc par exemple les bénévoles participent à ça en termes d'animation, mais aussi accueillent les classes, sont aussi force de proposition en termes d'animation. Bien sûr, voilà, puisqu'elles connaissent très bien leur commune. Voilà, ils proposent aussi des coups de cœur aussi, parce que là j'ai le programme d'animation sous les yeux. Soirée coup de cœur qui a eu lieu par exemple le 2 février dernier, il y a eu deux bénévoles de l'association Animalive, donc je parle d'Èvre, qui ont présenté leur dernier coup de cœur. C'est valable aussi à Sorigny. Cette activité a lieu aussi une fois par trimestre, tantôt le samedi, souvent le samedi matin. Et ce sont les bénévoles qui sont à l'origine de cette animation, de cet atelier. D'accord. Et comment on fait pour devenir bénévole ? Comment on fait pour eh bien, j'imagine que ça dépend d'une commune à l'autre, évidemment, mais on peut se présenter spontanément dans une des bibliothèques du réseau ou aller voir à la mairie, s'adresser à une personne, en tous les cas de la bibliothèque. Et puis après, on demande à rencontrer peut-être la responsable ou le responsable pour voir un petit peu avoir un entretien et puis définir un petit peu quelles sont les attentes de part et d'autre et savoir si peut-être on va dire, le profit, parce que c'est pas un recrutement évidemment, mais si la bénévole peut, ou le bénévole peut être, est en adéquation un petit peu avec les attentes recherchées du responsable. Avant vraiment de s'engager durablement, il y a souvent, enfin, on peut dire une période d'essai qui est proposée au bénévole pour voir si le bénévole souhaite s'engager durablement dans cette activité. Oui, tant pour vous que pour, c'est pour voir lui. Si en fait. Il y a une adéquation entre les deux, et puis il y a un temps d'essai, une période d'essai, si je puis dire, qui est proposée aux bénévoles par le ou la responsable pour voir ensuite s'il est possible de faire perdurer les choses. D'accord. On va revenir sur un tout autre sujet. Forcément, depuis quelques années maintenant, avec la crise, on voit que le monde culturel est le premier touché, notamment des restrictions budgétaires. Est-ce que c'est aussi le vrai pour tout ce qui est lecture publique, bibliothèque, médiathèque ? Oui, tous les services, quels qu'ils soient, aussi bien la lecture publique, la culture ou d'autres services de la CCI ont été impactés. Baisse de dotation globale de l'État oblige. Donc forcément, on nous a demandé de revoir à la baisse nos propositions budgétaires. Et nous, en premier lieu, c'est le budget d'acquisition qui a été fortement impacté. Alors le budget d'acquisition, couvrir les frais d'achat d'imprimer de livres principalement, enfin les livres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les collections diminuent ? Non, les collections ne diminuent pas, mais c'est le renouvellement des collections qui s'en trouve, c'est-à-dire c'est l'offre éditoriale, enfin c'est l'actualité quand on achète des livres. Acheter moins de nouveaux livres, moins de nouveautés, on fera des choix plus judicieux et puis dans un souci de complémentarité des fonds, puisque les bibliothèques font partie d'un réseau. Donc de toute façon, depuis maintenant, on a mis en place une charte d'acquisition des collections qui a été validée en conseil communautaire. Alors le conseil communautaire, pour expliquer, c'est instance de décision, enfin une instance qui valide élus, les projets qui sont soumis et présentés par les chefs de service, pour faire simple. Donc en 2013, on a, avec l'ensemble des bibliothécaires professionnels, sous mon initiative, on a mis en place, on a réfléchi pour élaborer une charte d'acquisition des collections, comment acquérir, quelles sont les modalités d'acquisition, sur quels critères, et dans un souci d'acquérir, non pas de manière cloisonnée, mais dans un souci de compléter, enfin d'avoir des acquisitions complémentaires les unes des autres. Et par exemple, si moi j'ai des livres personnellement, faire des dons, faire un don, est-ce que ça c'est possible ? C'est possible sous certaines conditions, réserve, j'imagine. On regarde la qualité physique, l'âge du livre, l'actualité, enfin si le livre est récent ou pas, et puis on regarde par rapport aussi après au fond de la bibliothèque qui va accueillir. Oui, si le livre elle l'a déjà 10 fois, c'est sûr que ça. Moi ce matin, j'ai eu un appel aussi d'une personne, d'une habitante de Saint-Branc qui m'a appelé ce matin là à la bibliothèque de Saint-Branc, et je lui dis que j'étais ouverte à la rencontrer pour voir un petit peu sa proposition de dons, mais que je n'allais pas forcément tout de suite intégrer ces dons tant que je n'aurais pas fait un premier examen et un premier prix. Oui, bien sûr. Donc il y a certains critères, puisque pour éviter les doublons aussi dans les différentes bibliothèques. Donc tout à l'heure on parlait. Et une question de place aussi, on ne peut pas accueillir. C'est vraiment une gestion des collections. Les acquisitions, c'est vraiment. On sélectionne les ouvrages, on ne peut pas tout acheter. On n'a pas vocation à être exhaustif, mais à faire des choix pertinents et en adéquation avec les collections existantes. D'accord, très bien. Et si on parle du futur aujourd'hui, c'est quoi l'orientation politique ou en termes d'action des médiathèques, de la lecture publique ? Est-ce qu'il y a des grands projets qui sont mis en place prochainement ou des projets plus sur la longueur, quels sont les projets Politiquement parlant, depuis peu on travaille avec Valérie Guillermy qui est pris en charge donc qui est Madame le maire de Mont. Voilà, c'est ça. Donc elle a pris possession on va dire de cette compétence depuis décembre dernier, depuis peu. Oui, donc c'est très court. Donc il y a un état des lieux à faire. Il faut qu'elle prenne connaissance un petit peu des différentes bibliothèques. Il y a eu une visite des bibliothèques qui a eu lieu en ma présence. On a visité l'ensemble des bibliothèques et on a rencontré les équipes professionnelles, les bénévoles, pour faire connaissance et puis un petit peu faire un état des lieux succinct, mais qui nécessite après d'être détaillé et approfondi au fur et à mesure des dossiers qui vont voir le jour. D'accord. Et donc, du coup, alors, du coup, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça ? Alors, qu'est-ce qu'il en ressort ? Bon, une volonté affirmée, ça c'est sûr, de Valérie Guermic de travailler en transversalité avec les différents partenaires, la petite enfance, le service enfant-jeunesse, et puis de mettre en place des projets transversaux, ça c'est sûr, et d'améliorer l'offre de services, de développer, je pense aussi, j'ai évoqué tout à l'heure l'offre numérique, de proposer des actions de médiation entre la population qui est bénéficiaire de cette offre numérique et puis cette offre qui nous est proposée par la bibliothèque départementale, enfin, sachant qu'il y a 10 centimes d'euros, il y a un coût quand même derrière tout ça. À chaque fois qu'on télécharge, il y a 10 centimes d'euros. Alors non, c'est pas ça, c'est pas là. Non, c'est que la CCVI, enfin, dans notre budget d'acquisition, on paye 3 180 euros, soit 10 centimes d'euros par habitant. Il y a une part qui est financé par le conseil départemental via la bibliothèque départementale. Grâce au nombre d'habitants, en fait. Voilà, c'est ça. Et autrement, les collectivités ou les collectivités qui sont partenaires de ce projet cofinancent ce projet à hauteur de 10 centimes d'euros par habitant. Donc là, pour la CCVI, c'est 3 180 euros par an. Voilà. D'accord. Pour bénéficier de cette offre numérique via le portail Nomad. Voilà. La seule condition, c'est d'être inscrit. Donc les enfants, toute catégorie de lecteurs est en mesure de bénéficier de cette offre sous condition d'être inscrit dans une des bibliothèques du réseau. Voilà. D'accord, très bien. Donc je pense que c'est développer l'offre numérique, proposer des actions de médiation. Je disais juste qu'il fallait se rapprocher un peu du micro. D'accord, voilà. Faire en sorte que faire vivre ces collections et puis les animer sur l'ensemble du territoire, fédérer les bibliothèques entre elles, c'est déjà le cas, et travailler avec les différents partenaires du territoire. D'accord, très bien. Eh bien, merci pour cette merci à vous de m'avoir brève et complète présentation. C'était très bien. Un grand merci. Donc je rappelle qu'il y a un portail numérique. C'est ça, tout à fait. L'adresse du site, Alors il faut taper pour faire simple CCVI bibliothèque et réseau. Enfin, j'ai pas l'adresse en tête, mais voilà. Bon, vous allez sur Google, vous tapez CCVI bibliothèque et vous. Voilà, l'avez. Et on arrive sur le portail du réseau avec l'ensemble des modalités d'inscription, informations pratiques, actualités du réseau, animations à venir. D'accord. Et les nouveautés, les nouvelles acquisitions par bibliothèque ou sur la page d'accueil, voilà, qui sont régulièrement alimentées chaque mois. Voilà. D'accord, très bien. Je n'ai plus qu'à vous remercier et à vous dire à très bientôt pour une nouvelle émission. Tout à fait, à bientôt. Au revoir.